Donc, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Timothée, chapitre 6. Hey, on arrive au dernier chapitre. Dernier chapitre après quelques mois. Nous allons commencer par la prière, s'il vous plaît bien. Notre bon Père du ciel, il est bon de s'arrêter et de t'écouter. D'écouter ce que tu veux nous dire, d'écouter la vérité sans avoir à se poser la question si c'est vrai ou pas. Ta parole dit toujours vrai. Et Seigneur, fais que ton Esprit Saint, que tu nous as donné dans ta bonté, puisse nous éclairer, nous aider à saisir les vérités et comprendre que tout ce que tu nous dis, c'est pour ta propre gloire et notre bonheur. Et c'est, Seigneur, c'est toutes ces choses que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, encore une fois, on va regarder dans notre contexte qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire. On va, les deux premiers versets vont terminer le chapitre 5, parce qu'on va parler encore une fois d'honorer, comme on avait dit, honorer les évêques, honorer les anciens, honorer les serviteurs, honorer les veuves. Et là, on va voir un autre honorer. Donc, on va regarder ça ensemble, et ensuite, on va tomber dans le restant du chapitre qui va parler d'un sujet que des fois, on ne s'arrête pas, qui touche la question que l'Église s'égare. Donc, on va voir ça ensemble. Premièrement, c'est intéressant que l'apôtre Paul puisse emmener toutes les gens de l'Église au même niveau. C'est ça que je trouve ça intéressant, parce que dans nos églises, ou dans notre société, on a tendance à mettre une forme de hiérarchie. On a des classes sociales, des classes gouvernementales. Mais dans les Écritures, autant ils nous disent d'honorer ceux que nous, on penserait les plus honorables, mais il semblerait que dans l'Église, tout le monde est honorable. Donc là, on n'a pas de jalousie à faire, tout le monde est honorable. Mais en même temps, il va nous parler ce matin, aujourd'hui, je devrais dire, mais honorer les maîtres. Et là, je me suis posé la question aujourd'hui, ces deux versets qui semblent faciles à comprendre, tout d'un coup, plus tu y penses, plus moins c'est facile à comprendre. Tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Donc, on va prendre le temps de le lire, je ne vais pas le faire lire, je vais juste le lire moi-même, juste deux versets. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et de la doctrine ne soit pas calomnié. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Donc, encore une fois, pour nous autres qui vivons dans un monde de liberté, dans un monde où est-ce qu'on peut faire des doigts d'honneur ou des bras d'honneur à tout le monde qu'on veut, il n'y a pas vraiment de conséquences, on a de la misère avec l'esclavage. Puis quand on regarde l'esclavage au niveau de l'Église, on a encore un peu de divergence d'opinion à travers l'histoire. Dans des périodes de l'histoire où ce que l'Église a des esclaves, des gens de l'Église ont des esclaves, comme ça a été le cas aux États-Unis pendant un certain temps, ici il semble que c'était le cas aussi. Et à travers l'histoire, quand vous lisez les 2000 ans d'histoire de l'Église, à des périodes, l'esclavage est plus forte que d'autres fois. Et d'autres fois, elle est comme... si tu dis le mot « esclave », c'est tout de suite le mépris, c'est tout de suite « gang de salauds », « gang de querelles », parce qu'on pense de même. Mais l'esclavage n'a pas toujours eu cette même idée-là. Donc, quand vous pensez à esclave, là, vous allez voir les films comme Racine dans votre tête. Vous allez voir les films où ils se font battre, puis les femmes se font violer. Puis tout c'est le vrai bordel. Là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Parce que si on prend la Bible, Joseph est un esclave. en arrivant en Égypte. Pourtant, il est fini maître de la maison, il est bien traité, il a tous les avantages. Donc, c'est un esclave quand même. Ça, ça n'enlève pas le fait, si on lui avait donné le choix, il aurait peut-être voulu retourner voir son père, mais c'est pas toujours la pensée, parce que dans notre culture, l'esclavage, c'est négatif. Dans certaines cultures, c'était une façon de vivre. Et jamais dans la Bible, quoi que ce soit, que la Bible prend position contre l'esclavage. Ni pour, ni contre. Jamais. Jamais vous allez voir quelqu'un qui dit c'est mal, c'est péché d'être esclave, de faire de l'esclavage. Même Dieu parle dans l'Ancien Testament que si tu es endetté, tu peux te mettre dans la situation d'esclave envers ton créancier. Et pendant quelques années, tu vas travailler pour lui avec ta famille et tu n'auras plus de dette. Donc, ce n'était pas toujours mal vu tout le temps. Donc, quand nous autres, on lit les textes, on a un peu de misère parce qu'on est tout de suite, c'est mauvais, c'est mal. Et là, dans l'Église, ça jouait en même temps. Donc, il faut faire attention de ne pas aller plus loin que le texte qui veut nous dire. Parce qu'on n'est pas sûr à 100% l'esclavage. Il y en avait-tu dans l'église d'Éphèse, quand il en parle là? On suppose parce qu'il en parle. Mais en même temps, on ne sait pas quelle sorte d'esclavage qu'il y avait. C'était-tu entre juifs? C'était-tu avec les Romains? C'était-tu avec... On n'a pas vraiment d'idée. Donc, quand les Écritures ne nous donnent pas vraiment clairement ce qu'on... ne répond pas clairement à vos questions, c'est parce que vous posez des questions que le texte ne veut pas nous répondre, tout simplement. Il dit pour commencer que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur. Mais ça, là, c'est des croyants. Les deux sont croyants. Les esclaves et les maîtres sont croyants. Bien là, c'est là qu'il vient la difficulté. Parce que dans verset 2, il dit « Et ceux qui ont des fidèles pour maître. » Là, il semble séparer les choses. Il semble dire qu'il y en a qui ont pour maître des inconvertis. Mm-hmm. Puis il y en a qui ont pour maître des croyants, puis eux autres sont croyants. Mais il pourrait avoir un maître qui est croyant, puis il y a des esclaves non croyants. Donc, ça peut se jouer sur deux bords. Mais là, il se demande le premier, lui, c'est des maîtres non croyants. Oui, mais de toute façon, l'esclave, ici, il est toujours croyant. Ouais. Oui, dans ce les deux sont croyants ici, les deux cas. Mais il pourrait avoir les deux cas. Oui, oui. Mais les deux cas sont adressés indirectement, puisqu'il va dire que le maître, qui est croyant, lui, il veut vous faire du bien. Il s'attache à leur faire du bien, à ses esclaves, parce qu'il est devenu un croyant. Donc, il parle qu'il va vouloir faire du bien. La question, c'est que ce qui m'a interpellé cette semaine, c'est le mot « honneur » dans l'ensemble de l'Épître à Timothée, il est toujours pour les croyants dans les autres places. Les évêques, les diacres, les serviteurs, les femmes, les anciens, c'est toujours envers les croyants qu'on parle de l'honneur. Et ici, tu dis, tout d'un coup, il arrive avec un non-croyant. Dans la fin, c'est l'attitude du chrétien. J'ai cherché à ça. Je voulais trouver un texte que le maître était croyant. J'ai cherché à travers toute l'histoire. J'étais allé voir des vieux commentateurs. J'en ai pas trouvé. Bon, tu vas être obligé d'admettre que ce que je veux, c'est pas toujours là. Hein? Mais on va voir que l'honneur est dû au maître. Et on va prendre la situation que le maître n'est pas croyant dans le premier verset. Okay? On va prendre ça comme idée. Et ça ne nous dit pas si c'était un juif ou un non-juif. Ça ne nous le dit pas dans le texte. Mais on va prendre comme non non-croyants. Donc, il y avait les esclaves croyants qui doivent regarder leur maître non-croyant comme digne de tout honneur. Puis là, il y en a qui, dans les commentaires que j'ai lus, il y en a qui appliquent ça au gouvernement, puis il y en a qui appliquent ça. Ils vont dans toutes les autorités. Donc, si vous avez une autorité au-dessus de vous, vous devez les considérer avec tout honneur. On ne va pas aller aussi loin que ça. On va rester ici, dans notre texte. Mais tout honneur, c'est comme si c'est quasiment plus quand même honorer les veuves, c'est tout honneur. Est-ce qu'on doit honorer le non-croyant, qu'il soit mon maître ou pas, là, est-ce que je dois l'honorer? Est-ce que je dois honorer mon mari qui n'est pas un croyant? Est-ce que je dois honorer ma femme qui ne serait pas un non-croyant? Est-ce que je dois honorer mes enfants qui ne sont pas croyants? Ça veut dire quoi, ça, honorer? Mais là, ils disent pas des honorer. Ils disent de les regarder comme dignes de tout honneur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Regarde leur maître comme digne. Regarde leur maître comme digne de tout honneur. Ça voudrait dire quoi pour toi, là? Comme c'est, si tu les regardes comme teneur, tu les regardes comme étant, ils méritent quoi? Ils méritent le respect, ils méritent... Oui, c'est le respect et l'honneur, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas l'honorer dans tout comme tu honorerais Dieu ou... Parce que le mot qui est ici, honoré, là, c'est le même mot qu'on va voir plus loin pour Dieu aussi. C'est le même mot dans le grec. Donc, il n'y a pas de différentes sortes dans le contexte peut nous donner. Mais dans l'ensemble de Timothée, je ne crois pas ici que l'honneur ici là, est différent que celle donnée aux esclaves, aux veuves, aux serviteurs, aux anciens. Ce n'est pas différent. Je crois que l'idée, c'est pourquoi je dois le considérer comme ça, ou le regarder comme ça, ou lui donner ce... Parce que n'as-tu qu'un autre mot que le mot « honorer » Oui. Ils doivent tous considérer leur maître comme digne d'un entier respect. Un respect. Afin que personne ne fasse une insulte pour l'investir. OK. On va essayer de comprendre que... Pourquoi est-ce que Paul demande aux esclaves de l'Église, parce que là, c'est ça que ça fait du sens, parce que si c'est en dehors de l'Église, ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi est-ce qu'il leur demande le but d'honorer le maître non-croyant? Il dit tout de suite après. Oui, c'est ça. Donc, ça va nous aider un peu à comprendre qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui va me motiver à le regarder comme digne d'honneur ou le regarder comme que je devrais le respecter ou l'honorer. Ici, il faut faire attention que le mot honorer, là, pour nous autres, dans notre culture, le mot honorer, c'est on honore les gens plus haut que nous, plus importants que nous. Respect. Mais le mot honorer, c'est plus ordinaire, parce que c'est... L'Épître me dit que si je dois honorer la veuve, le serviteur, l'ancien, puis je dois honorer le maître, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas... Si toi, rien, tu dois honorer. Là. Non, c'est pas ça. C'est un respect, c'est un... Tu le vois comme... Dans la deuxième épître à Timothée, on va voir que le fait d'honorer, c'est quelque chose qui... Tu veux, tu désires qu'il voit... Dieu, à travers... L'Évangile ou Dieu. C'est ça qu'on appelle l'honorer. On veut qu'il puisse comprendre à travers moi, à travers l'esclave, qu'il veut qu'il puisse comprendre l'Évangile. C'est dans cette façon-là que je vais l'honorer. C'est pas juste que je l'honore dans apparence, puis dans le fin fond, je l'ai eu à mort. C'est pas ça. Parce qu'il dit, si je le traite pas avec honneur, ben, il va arriver quelque chose à la fin. C'est afin que le nom de Dieu, la doctrine, ne soit pas calomniée. C'est intéressant qu'il semble dire, Paul, ton attitude envers ton maître, non-croyant, va faire quoi? Il va faire que la doctrine et Dieu vont être calomniés, ou vont être blasphémés, ou vont être injuriés. Donc, le souci de Paul... Ce n'est pas l'esclave et ce n'est pas le maître. Nous, on le voit là, faudrait que le maître soit gentil, faudrait que l'esclave soit bien traité. Mais le but de Paul, ce n'est pas juste l'harmonie ou le but, c'est que, pauvre toi, tu es un esclave, ce n'est pas de ta faute, puis là, on commence à faire des lamentations épouvantables. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Comme j'ai dit, il y a des gens qui étaient esclaves par choix. Il y en a qui étaient esclaves parce qu'ils n'avaient pas payé leurs dettes. Donc, ce n'est pas la faute du boss, ce n'est pas la faute de l'autre. C'est toi qui t'es mis dans une situation semblable. Ce n'était pas toujours de même, mais des fois, c'était comme ça. Mais le but de Paul, c'est que rejoindre l'ensemble de l'Épître, Fais que tes bottines suivent les babines que tu dis, là. Fais que tes bottines, tu dis que tu es devenu un croyant. La question que je me suis posée, mais comment ça que l'esclave est devenu un croyant? Est-ce qu'il avait le droit d'aller à l'église, cet esclave-là? Où est-ce qu'il a entendu l'Évangile, lui, s'il était esclave sur une terre à bois, quelque part? Où est-ce qu'il a entendu l'Évangile? Il faut qu'il l'ait entendu à quelque part de la part de certains croyants. C'est pas le choix. Puis est-ce que le maître, il pourrait dire, « Ben, je t'attache, moi, le dimanche matin, je t'ai attaché après un arbre, tu n'y vas pas à l'église. » Tu sais, ça te pose des questions, parce que nous, on voit l'esclavage comme celui qui n'a aucun choix. Celui qui ne peut pas décider de rien. Il est sous la chaîne, attaché, puis il est fouetté, puis... Mais il semble que le maître le laisse faire. Jusqu'à certains points, le maître pourrait dire, « Je te défends, puis si tu y vas, je vais tuer ta fille, je vais te battre à mort. » Parce que nous autres, c'est ça qu'on voit dans notre tête, de moi, esclave. Mais c'était pas autant comme ça. Laissez pas les films trop vous influencer. C'était pas toujours de même. Parce que s'il peut vivre sa vie chrétienne, c'est déjà tout un avantage. Moi, j'avais vu un lien, tu sais, le chapitre avant, il dit que ceux qui sont à la prédication et à l'enseignement souhaitent dignes d'un double honneur. Puis là, il dit, il ne faut pas que l'enseignement, puisque le nom de Dieu soit blasphémé. C'est comme s'il montre l'importance de ce qu'eux font quand ils enseignent, porte conséquence avec ce que tu entends dans l'enseignement, parce que sinon, la parole est blasphémée. Oui. Non, j'ai pas compris ta dernière phrase. Mettons, là, tu vois, le dimanche à l'église, puis celui qui est digne de double honneur, là, qui enseigne, comme ouais. On m'a posé la question la semaine passée, là, la différence entre enseigner puis proclamer, là, puis eux sont dignes d'un double honneur. Fait qu'eux autres sont comme une coche de plus au niveau de l'honneur, puis là, il revient tout de suite ici, puis il dit... Afin que la doctrine et le nom de Dieu ne soient pas blasphémés, c'est comme si ça vient confirmer l'importance que l'enseignement a envers les gens qui entendent. Là, Oui, je crois que ce que Paul semble dire, à cause du contexte de Timothée, si en tant que croyant, vous avez un maître non-croyant et que vous fonctionnez pas avec une conscience pure, une foi pure, vous allez être un sujet de blasphème auprès de Dieu. Dieu va être blasphémé. La question, je me dis, mais pour que le maître... Qu'est-ce qu'il en sait de l'Évangile, lui? Comment est-ce qu'il peut dire que le chrétien il a un comportement chrétien ou pas? Tu sais, le maître, là, c'est pas un croyant. Moi, si je regarde quelqu'un dans la société, je peux pas dire quelle religion qu'il fait à cause que je le regarde. Sûrement, son attitude a changé, vous avez ce maître-là. Mais lui, il demande... de changer son attitude, d'aligner son attitude avec l'Évangile. Oui. Mais le maître, lui, comment est-ce qu'il fait pour savoir? Ah ben, il a changé. Il est devenu végétarien, quoi. Il a changé... Non, mais il n'a pas besoin de savoir comment l'esclave réagit en autant que l'esclave fait ce que le maître demande. Oui. Mais le maître... Lui, il s'en fout. C'est ça. Mais là, c'est la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que le fait, si je le fais pas bien, la doctrine va être blasphémée? Fait que là, par qui? Ça va être blasphémée? Par le maître? Par l'esclave. Par l'esclave. Je pense que c'est pour le maître. Par tu dis chrétien, là, mais je sais pas là. Donc, il faudrait que le chrétien aille témoigner à son maître, puis il a dit, ben, je me suis converti, je vais à l'église baptiste du coin-là, tu sais, depuis quelques temps. Il y a vu la différence entre quand il était païen, puis il voit la différence avec... Oui, mais comment ça l'apporte à blasphémer Dieu et la doctrine? Parce que là, on prend pour acquis que le maître, lui, n'est pas croyant. Ben non, pas dans notre texte qu'on voit là, là. Mais la question qu'on se pose, c'est que je me suis posé comme... Ben, si j'étais, moi, un maître, puis là, je vois mon esclave, là, sans que je le sache trop, il a changé de sa façon de vivre tout d'un coup sec, là. Ça serait-tu parce que... Je serais content, je dirais, yes, c'est tout. Je blasphémerais pas Dieu s'il le fait pas. Ben là, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a changé, il me semble qu'il est moins... moins c'est-tu parce que, regarde, admettons que tu es un maître, toi, là, comme maître, ce que tu veux, c'est que ton esclave fasse ce que tu t'attends de lui. Pour qu'il en vienne à blasphémer, ça veut dire que l'esclave, il a changé, il devient comme au-dessus, il se pense libre en Christ, puis que là, il devient, au nom de sa foi, il devient dérangeant, puis c'est ça qui fait que ça blasphème Dieu. Oui, s'il réagit à son, négativement envers son maître, au nom de l'Évangile, mais le maître va-t-il avoir la connaissance pour dire « Ouais, mais tu ne fonctionnes pas selon ce que tu dis. » Il faut qu'il l'aurait entendu à ce moment-là. Il faudrait qu'il saurait c'est quoi, là. OK? Si moi, je m'en vais manger avec mes frères et sœurs, puis je te dis quelque chose, je fais « François, t'es chrétien, ça ne fait pas ça un chrétien, là. » Ben, il faut qu'il sache ça fait quoi un chrétien pour dire ça, là. S'il ne sait pas, il ne sait pas, là. Si moi, je dis à quelqu'un, je pense à me séparer, dans la société, ils ne diront pas, ils vont blasphémer Dieu, là. Ils vont juste dire « c'est normal dans la société. » Est-ce que c'est quelque chose qui se dérange? Est-ce que c'est le maître qui voit ça, qui blasphème Dieu, ou c'est les gens autour? Les gens, c'est qui ça, les gens? Bien, c'est les autres chrétiens. OK. Donc, la question, c'est qui blasphème ici? Qui ici qui déshonore? C'est-tu le croyant qui déshonore? S'il ne fait pas, il déshonore Dieu, il blasphème Dieu. Il injure Dieu, parce que tu dis et tu ne fais pas. Donc, ce n'est pas le maître ici, je crois, qui déshonore. C'est la personne elle-même. Et elle, ça l'amène des problèmes dans l'Église. Parce qu'aussitôt que je suis un croyant et que je ne fais pas ce que je dis, je suis un trouble pour l'Église. Ben, je déshonore le Dieu que je proclame. Mais l'Église va être affectée par ça. C'est comme les veuves qui n'étaient pas des véritablement veuves, ils influençaient l'Église. On a vu que les anciens qui ne dirigent pas bien, ils doivent être repris. Donc, aussitôt que ma vie chrétienne ne suit pas les babines, je suis une influence négative pour l'Église. Donc, je garde pas l'Église, je n'aide pas l'Église à marcher dans le droit chemin. Parce qu'on convainc qu'on ne veut pas, on a une influence les uns les autres, là. Moi, tout le temps, tu me fréquentes 5 minutes, bien, j'ai une influence de 5 minutes sur toi. Si tu te fréquentes pendant 1 heure, tu as une influence sur moi pendant 1 heure. C'est comme ça qu'on est les êtres humains. C'est comme ça qu'on vit. L'influence peut durer bien plus longtemps que 5 minutes. Oui, elle peut rester après. Mais la question ici, que nous, on pense que c'est les inconvertis qui vont blasphémer, mais c'est le croyant, s'il ne fait pas devant son maître ce qu'il lui croit, ce que Dieu lui demande, c'est lui qui déshonore son Dieu. C'est pas le maître. Et là, ce chrétien-là devrait, s'il vit en Église, puis l'Église est consciente de ça, devrait être repris par l'Église. La façon que tu agis avec ton maître, tu es en train de faire signer une pétition, mettons, contre ton maître, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. OK? Donc, tu honores pas Dieu de la façon que tu agis. Tu dis des choses et tu fais le contraire. Donc, ça l'amène à un déshonneur sur la doctrine, sur Dieu lui-même. Parce que notre relation est chrétienne, ou de vie chrétienne, est premièrement avec Dieu. Si je dis des choses par rapport à Dieu et je ne le fais pas, c'est moi qui déshonore mon Dieu. C'est tout simplement comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là, je le verrais, qui ferait le plus de sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, là? Donc, ce n'est pas les inconvertis, parce que nous, on a l'impression que... Moi, les inconvertis, là, quand je fais un péché devant eux autres, là, ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que c'est ça qu'ils font en rond de l'ombre, puis c'est correct pour eux autres. Ça, devant les inconvertis, pour eux autres, ça veut rien dire. Il est venu une petite madame chez nous hier, là, puis la madame qui nous cherche, je ne sais pas quoi. Là. Ah, sacré, je l'entendais dans mon bras, sacré. Pour eux, c'était normal, là. C'est normal pour eux autres. C'est qu'eux autres, c'est comme... C'est voyons, il n'y a rien là. De dire qu'eux autres vont penser qu'on n'est pas correct, bien là, c'est de penser qu'eux autres, leur moralité est plus haute que la nôtre, jusqu'à certains points. OK? Donc, il faut faire attention. Puis en même temps, je ne suis pas sûr que tous les esclaves ont commencé à les dire à leur maître, « Hey, tu savais-tu, mais t'as converti? » Attention, attention au bâton, attention, il faut faire attention. Là, on ajouterait au texte. Mais là, l'auteur, lui, ce qu'il parle, c'est aux croyants. Toi, tu t'es converti et tu as un maître non-croyant. Il ne parle pas au maître, puis il ne s'occupe pas du maître non-croyant. Il parle du croyant. Si tu ne fais pas ce que tu dis, tu déshonores ton Dieu. Je me souviendrai toujours, j'avais entendu John MacArthur, ça fait longtemps. MacArthur, je devrais dire. Il y a bien longtemps, ils l'ont invité à aller prêcher en prison. Puis là, il est allé prêcher en prison. Mm-hmm. Puis là, il parle. Puis là, il parle des croyants. Puis il y en a un qui lève la main. Il dit, moi, je suis un chrétien. Mais il dit, dis-le pas pendant que tu es tout de suite. Tu en voulant dire, tes bottines ne suivent pas les babines. Là. Qu'est-ce que tu fais assis en prison si c'est un croyant? Ça paraissait mal un peu. Puis Makatu, il avait dit, dis-le pas pendant que tu es tout de suite. En voulant dire, ta vie n'est pas conforme. Ou à moins que tu avoues que tu as péché et que tu es rendu ici, là. À cause de ton péché. Mais j'avais trouvé ça drôle quand il l'avait dit comme ça. La deuxième partie dit, « Et ceux qui ont des fidèles pour maître. » Le mot « fidèle », là, c'est des croyants. Okay? « Pour maître, ne les méprise pas. » Ah, OK. Là, tout à l'heure, j'avais un maître non-croyant, puis je devrais l'honorer comment? En vivant ce que je dis. C'est comme ça que je l'honore. Mais là, il dit, si tu as un maître qui est chrétien, tu ne devrais pas le mépriser. Mais ben voyons donc, pourquoi je le mépriserais? Il est devenu un frère dans la foi. Il est devenu un frère dans la foi. Essayez de vous imaginer, là. Vous êtes venu de vous convertir. Là, vous apprenez que votre maître aussi s'est converti. Qu'est-ce que ça serait quoi votre idée, votre réaction? Il va avoir quelque chose de nanane, parce qu'on est tous les deux chrétiens. On voudrait avoir un petit peu de souplesse de la part du maître, peut-être. Mais en tout cas, il dit, ne le méprise pas sous prétexte que tu es un frère. Parce que tu es un frère, tu devrais me traiter mieux. OK? Tu ne devrais pas me demander encore de faire certains jobs ou de faire certains-ci. Ou tu devrais venir la faire avec moi. Parce que tu es mon frère dans la foi. Donc, c'est ça qu'il semble dire ici. Mais, au contraire, qu'il les serve d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, les fidèles et bien-aimés, c'est les maîtres, c'est là, hein, qui s'attachent à leur faire du bien. J'ai le sens de qu'ils bénéficient de leurs bons offices. C'est comme les, c'est comme le, pas les mêmes personnes qui bénéficient du bien. Garantis ta phrase, François, la dernière phrase. Oui, la fin mais de qu'il, phrase. Le mot « il », là, qu'ils les servent d'autant mieux, c'est qui va les servir? C'est les esclaves. D'autant mieux que ce sont des fidèles, les maîtres, oui, et les bien-aimés, qui s'attachent à leur faire du bien. Oui, ben moi, c'est pas ça que j'ai. Oui. Puisque ce sont des croyants et frères bien-aimés qui bénéficient de leurs bons soins. C'est qui les bénéficie des bons soins? C'est les esclaves. C'est les esclaves. Non, c'est les maîtres. Ben, c'est les maîtres qui bénéficient des bons soins d'esclaves. Non, je dirais pas ça. Je le comprends de même. Charles de Ville. Non. C'est pas grave. Mais tu sais, c'est juste pour te dire, la même phrase, on y donne un sens différent. Là. Selon la traduction, peut-être. Oui. Mais la question, c'est que l'auteur, là, fait une comparaison. Ta comparaison ne fit pas avec le premier verset. Parce que là, il compare deux choses qui s'opposent. Fait que je ne peux pas ramener la même chose encore une fois. Okay. Donc, les deux choses s'opposent. Si tu as un maître non-croyant, voici ce que tu devrais faire. Tu devrais l'honorer par le fait que tu vis ce que tu dis. Si tu as un maître, maintenant, qui est chrétien, qui, lui, à cause qu'il est chrétien, va vouloir te faire du bien, bien, toi, d'autant plus, tu devrais vouloir te faire du bien aussi. N'essaye pas d'enlever la différence qu'il y a entre vous, le maître et l'esclave. Ben moi, c'est parce que j'ai un mais aussi dans. Je ne sais pas, je me souviens pas, c'est pas qui l'avait. Moi, j'avais un mais. Mais qu'il les sert. Et ceux qui ont pour maître des fidèles ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères. Mais qu'ils les servent d'autant mieux puisque ceux qui reçoivent leur service sont des frères et des amis. Mm-hmm. Mais qu'il les servent. Dans les commentateurs que j'ai lus, il y a cette différence d'opinion, parce que probablement les textes grecs laissent l'opportunité d'ouvrir. Mais encore une fois, le meilleur dictionnaire, c'est le contexte. Donc, c'est plus logique, là. Pour moi, le contexte, le premier, c'est l'attitude du croyant envers le maître qui n'est pas croyant. L'autre, c'est l'attitude du croyant envers un maître croyant. Oui, c'est ça. L'attitude des croyants envers un maître croyant. Donc, je crois que c'est là qu'il faut regarder. C'est toujours l'esclave. Oui, c'est toujours l'esclave ici qu'on parle. Mais l'esclave, dans le premier coup, a un maître non-croyant. Dans le deuxième coup, il y a un maître croyant qui s'efforce à lui faire du bien. Parce que je m'attends, en tant que croyant, que le maître qui se convertit va vouloir faire du bien aux frères et sœurs qui sont croyants aussi. Je m'attends à ça. Même si Et donc, ils vont bénéficier, les esclaves vont bénéficier de leur maître qui a changé de façon de vivre aussi, là. OK? Ils vont bénéficier de ça. D'autant plus, il dit, servez-les encore mieux, parce que vos maîtres, maintenant qu'ils sont devenus croyants, vont vouloir vous faire du bien aussi. C'est des esclaves qui les servent encore mieux. Oui, mieux encore leur maître qui est devenu chrétien. Puis, c'est-tu aller trop loin, tu sais, quand on dit, si on ne respecte pas Dieu, on ne respectera pas l'autorité sur terre. Tu sais, là... C'est sûr. On a ce principe-là dans la Bible, là. La première autorité, c'est Dieu, puis après ça, c'est l'enfant. Donc, quand je suis en rébellion avec Dieu, je suis en rébellion contre toute personne sur la terre. Fait que quand tu es converti, l'esclave qui est croyant, son maître, y a-tu... Par le fait qu'il est converti, ça fait-tu un changement d'attitude envers son maître parce que maintenant, il respecte l'autorité de Dieu? J'avais pensé que ça pouvait avoir ce sens-là, oui, ça a été avec Timothée. Puis il y a des gens qui pensent ça aussi dans les commentateurs que j'ai lus. Mais je crois que ça va au-delà de ce que Paul veut qu'on comprenne. On redresser l'Église. On veut redresser l'Église. Puis je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on ne redresse pas l'Église seulement du haut de la chair. On redresse l'Église, chacun de nous redresse l'Église. Chacun de nous qui vivons la vie chrétienne, on redresse l'Église. Ce n'est pas juste le pasteur ou l'enseignant qui redresse l'Église. Donc tout le monde redresse. Et tout le monde fait que l'Église s'éloigne. Si je ne vis pas ce que je proclame, ben je fais partie de ceux qui poussent l'Église dans une autre direction. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'honneur spécial, puis il n'y a pas de mention spéciale. Tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde doit dire, j'ai une part à jouer pour garder l'Église dans la vérité. Et peut-être si je dis que l'Église est dans le champ de patates, peut-être que je fais partie de celui qui l'a emmené dans le champ de patates. Moi, j'entends ça souvent, les chrétiens, ils vont parler que l'Église est dans le champ de patates, mais ils ne se voient pas comme étant responsables de ça. Oh non, ils ne sont pas responsables de rien de ça. Ben voyons donc. On dit ça dans un couple, quoi? Il y a deux côtés à la médaille. Quand ça ne fonctionne pas, il y a deux côtés à la médaille. On dit ça, hein, dans un couple, on a tout entendu ça. Dans l'Église, c'est la même affaire. C'est la même affaire, je dirais. Il ne faut pas juste dire, ça va croche, mais c'est la faute des autres, c'est pas ma faute à moi. On est toujours parti, parce qu'on fait partie d'un tout, on est un corps. Si mon corps ne fonctionne pas bien, là, je ne peux pas dire, c'est la faute du pied. Moi, je n'ai rien à voir avec ça, c'est la faute du pied, là. C'est mon pied, là. Je vais le couper mon pied, ça va bien aller. Non, non, c'est le corps fonctionne, c'est un tout, ça. Peut-être que mon pied ne fonctionne pas parce que mon cœur n'envoie pas assez d'oxygène dans le bout, là. C'est tout un ensemble, ça, cette affaire-là. Et c'est comme ça qu'on, je crois, qu'on garde une forme de respect les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on... Oui? Alors, je crois que quand on regarde ça, quand on dit ça, l'esclave croyant, là, son maître s'est converti, est-ce que ça veut dire que l'esclave croyant doit se voir maintenant égal au maître ou bien qu'il doit le respecter comme son maître? Spirituellement, ils sont égaux, ça on le sait. Mais cette séparation civile reste là. Okay. C'est ça qu'on voulait faire, on voulait l'enlever, ça. C'est ça qu'on a voulu faire, qu'on a étudié un Corinthiens 11, la femme enlève son voile et dit, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus, on est tous en Jésus-Christ. Les femmes, les hommes, on est tous pareils. Paul dit, attends, t'as peur, allez pas si vite. Donc, il y a une espèce de respect à ramener, là, je crois. Donc, il dit, ton maître, lui, parce que la question des deux versets, c'est, est-ce que la foi que vous proclamez, vous la vivez? C'est ça que toute l'Épître nous dit. Toute l'Épître nous dit ça. Tu es un maître, tu as des esclaves, est-ce que tu agis différemment envers tes esclaves maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu? Tu es un enfant de Dieu et tu es un esclave, est-ce que tu vas agir différemment avec ton maître qui est chrétien ou non chrétien? C'est ce que l'apôtre Paul veut qu'on comprenne dans toute l'Épître. Je veux que vous ayez un cœur pur, une conscience pure et une foi pure. Si vous dites et vous ne faites pas, vous n'avez pas les trois. On ne peut pas avoir un puis en manquer deux, ou en avoir deux puis pas en avoir un. On a les trois ou on n'a pas les trois. C'est un ensemble. Et Paul, ce qu'il reprend, c'est que lui, quand il a vu l'Église d'Éphèse, il a vu qu'il y avait une séparation avec la proclamation et avec la vie chrétienne de tous les jours. Il dit, faut vous emmener ça ensemble. Il faut que ça marche ensemble. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait que ça ne sera jamais parfait. mais c'est le désir et c'est le vouloir qu'on a de travailler ensemble. Que ce soit, ça fit ensemble. Et c'est, j'ai écouté dernièrement des gens qui vont, selon moi, vont trop loin. Parce que c'est le fait de l'emmener ensemble, il le pousse tellement loin que là, ça va devenir des récompenses, ça va devenir ci, ça va devenir ci, ça va devenir ça. Ils vont trop loin dans la façon d'expliquer la situation, selon moi. Mais ici, vous avez vu, on a des questions, on n'a pas de réponse, parce que le texte n'en parle pas vraiment de ces questions-là. Tout ce qu'il est en train de dire aux chrétiens et aux maîtres, surtout aux esclaves, c'est surtout eux autres qui sont visés, agissez selon la foi que vous proclamez, simplement. Si votre maître est un fidèle, agissez comme c'est un fidèle. Si votre maître n'est pas un fidèle, agissez envers lui comme un croyant qui agit envers un inconverti. Que ce soit mon maître ou que ce soit mon voisin, que ce soit mon maître ou que ce soit mon enfant qui n'est pas chrétien, comment j'agis avec lui? Vas-tu l'honorer? Vas-tu le respecter quand même? Ben oui! Ben oui, ça, ça n'a pas de différence. OK? C'est pas tout à coup, à cause qu'il est mon maître, là, je dois avoir toute une... Ben non! C'est tout inconverti. Je devrais avoir une façon d'être avec eux autres qui va respecter la doctrine, qui va respecter le Dieu qui m'a sauvé. Je veux honorer mon Dieu avec les inconvertis, qu'ils soient mon maître ou mon président ou mon enfant ou mon oncle ou mon frère ou ma soeur. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Parce que le but de l'épître, c'est enligne tes bottines avec tes babines. C'est ça que l'auteur veut dire. Enligne ça. OK? Donc, il dit à Timothée, à la fin, enseigne ces choses et recommande-les. On revient avec la même idée. Proclame-les, enseigne-les, prêche-les, enseigne-les. Les deux vont ensemble. Dis-le et enseigne-le. Dis-le, c'est ça que Dieu s'attend, et aidez-le à les aider à comprendre. Pourquoi? Moi, je le vois bien, je l'ai expérimenté dans ma vie chrétienne en tant qu'enseignant. Oui, mais pourquoi est-ce que Dieu me demanderait, moi, là, que mon maître ne me traite pas comme un égal? Il est mon frère dans la foi, il devrait me traiter comme un égal. Pourquoi mon mari aurait une position autre que moi? On est deux chrétiens, deux enfants de Dieu. Pourquoi on n'aurait pas la même position? C'est là que l'enseignement va faire sa différence. Voici pourquoi. On va te dire pourquoi. Bon, Paul va le faire dans Corinthiens 11, il va le faire ailleurs. Voici pourquoi. C'est parce qu'on veut que le nom de Dieu soit glorifié. On veut que le nom de Dieu soit élevé. On veut que la doctrine ne soit pas blasphémée. Puis on explique pourquoi ça va le faire. Pourquoi ça va... Pourquoi le fait que je ne vis pas... Mettons, si on prend le premier verset. Le fait que je ne vis pas ce que je dis avec mon maître non sauvé. Pourquoi ça va amener un déshonneur à Dieu? Pourquoi ça... C'est-tu déjà quelqu'un qui vous a dit de faire de quoi, puis vous avez dit oui, vous avez passé au côté, vous êtes analysé, vous avez fait le contraire? Ça dit quoi, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à la personne qui vous a donné? On n'est pas fiers. Mais vous en foutez de ce qu'il a dit, là. Vous en foutez de ce qu'il a dit. Vous savez la parabole de Jésus, là, qui dit, de quel des deux enfants est correct? Un, son père lui dit, va travailler dans la vigne. Oui, j'y vais tout de suite, papa, tout de suite. Puis il part, puis il s'en va au côté, puis ça va jouer à TikTok. L'autre, il dit, non, j'y vais pas, il fait trop chaud. Finalement, mon père me l'a demandé, je vais y aller. Puis il va. Il dit, lequel des deux, vous pensez qu'il est correct? Sais-tu, donc, c'est la même chose ici, là, c'est la même vérité ici. Donc, c'est pas celui qui finalement se repent et va a un respect pour son père bien plus que l'autre. C'est la même chose ici, le respect pour Dieu, la même affaire. OK? Donc, ça, c'est... Ça termine la portion de l'honneur, du respect des gens. Et on le fait parce que ça honore Dieu, ça respecte Dieu, ça glorifie Dieu. Et ça l'amène dans l'Église, un respect pour la doctrine. Plus une Église ne fonctionne pas selon la doctrine, plus... J'écoutais en fin de semaine des enseignants, pas en fin de semaine, durant la semaine, que les premiers à souffrir que les babines, les bottines ne suivent plus les babines, c'est l'Église. C'est l'Église qui souffle, en souffle le plus. C'est pas les inconvertis, c'est pas... C'est l'Église qui en souffle le plus. Parce qu'on se met à laisser penser, on se met à laisser croire qu'on peut écouter Dieu, qu'on peut dire oui à Dieu, oui, mais finalement, on fait ce qu'on veut. C'est un désaspect, un manque de respect, c'est un déshonneur envers celui qui nous a parlé, qui était Dieu. C'est dans ce sens-là, faut le comprendre. Donc, c'est l'Église qui en subit les conséquences. C'est pour ça qu'elle s'éloigne, finalement. Elle s'éloigne parce qu'elle entend, mais elle décide de ne pas le faire, donc elle s'en va dans une autre direction. Parce qu'on ne fait jamais le vide. Les êtres humains, on n'est pas capable de faire le vide dans nous autres. On n'est pas capable. Si on enlève quelque chose, on le remplace par d'autres choses. C'est automatique, c'est toujours demain. Et si Dieu me dit d'aller là, puis je décide d'aller par là, automatiquement, je vais remplir le vide avec quelque chose d'autre. Je ne peux pas le dire, ben, je ne ferai pas ça, mais je ne ferai rien d'autre. C'est pour ça que la Bible, elle ne présente jamais le chrétien comme quelqu'un qui est dans une partie neutre. Elle dit, t'aimes Dieu ou tu haïs Dieu. Mais elle ne présente jamais l'être humain dans une zone grise. Jamais, jamais. Jamais. Ça n'existe pas. C'est nous autres qui avons inventé la zone grise pour qu'on se sente confortable. Mais Dieu, lui, non. Il dit, tu vis ou tu meurs. Tu es lumière ou tu es ténèbres. Tu m'aimes ou tu m'haïs. C'est un des deux. Tu ne peux pas, ouais, mais je t'aime. Ben, tu sais, ben, je t'aime, mais je n'ai pas vraiment le temps. Non, ça ne marche pas de même. Avec Dieu, pas avec Dieu, du moins. Donc là, on va arriver dans un autre sujet qui va terminer le chapitre 6. Un sujet que souvent, si on ne pense pas que ça peut être un sujet qui peut amener l'Église à se détourner de la vérité. L'argent. L'argent. C'est ça que Paul finit son enseignement sur ce sujet-là. Il termine avec ça. Et faut le dire que c'est la même, le restant, c'est le même sujet de toute l'épître, là. Il n'est pas en train de dire, ah ben là, j'ai fini avec l'autre affaire, là, puis là, je vous dis ça de même parce que ça m'a passé par la tête. Non, non, non. Ça aura le rapport avec tout le restant. Et il va en parler ici que l'argent a été une source que beaucoup de personnes ont abandonné la foi. Puis quand je parle d'abandonner, là, je vous l'ai dit à quelques reprises déjà, ne pensez pas à quelqu'un qui quitte l'Église. Ne pensez pas à quelqu'un qui devient athée. C'est quelqu'un qui est dans l'Église, mais qui ne vit pas l'Église, qui ne vit pas la foi. Okay? Il ne vit pas la foi. Il faut arrêter de penser qu'abandonner la foi, ça veut dire « Ah, il est parti dans le monde. » Non, parce que Paul parle... Toutes les pites, ça veut dire c'est des gens qui sont dans l'Église, qui vivent ça dans l'Église. Donc, il va même parler de... Il dit « Un tel et un tel m'ont abandonné parce qu'ils prêchent les autres maintenant que la résurrection est déjà arrivée. » Donc, ils ne sont pas au bordel, là. Ils sont dans l'Église, mais ils prêchent une autre doctrine. Donc, ils ne sont pas partis, là. Nous, on pense toujours que ceux qui ont abandonné sont partis, mais non, c'est là. Ça fait partie de la vie de l'Église. Donc, on va voir... Vous savez, comme je me fais des colonnes, on va faire deux colonnes. Première colonne, on va voir ceux qui ont l'amour de l'argent. Deuxième colonne, on va voir ceux qui n'ont pas l'amour de l'argent. Okay, donc, et je crois que c'est un peu normal. On aurait dû s'attendre à ce qu'il en parle jusqu'à certains points. Parce que vous avez déjà entendu le petit dicton qui dit « L'argent ronde le monde. » C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu juste des choses qu'on dit et c'est pas vrai? Mais non, si c'est vrai. Et c'est-tu vrai ce que Jésus a dit, que Mammon, c'était notre Dieu enseignement? Vous aviez pour Dieu Mammon. Vous ne pourrez pas satisfaire les deux. Vous allez aimer Dieu ou Mammon. Vous ne pourrez pas aimer les deux. Vous ne pourrez pas. Ça n'existe pas des gens qui aiment les deux. On ne devrait pas être surpris qu'il nous en parle. Parce qu'on est arrivé dans l'Église avec ça. On est arrivé avec l'Église avec cette idée-là que l'argent... Nous autres, on disait, je ne sais pas si j'avais entendu ça, « Oh, l'argent, ça ne fait pas de bonheur, mais ça l'aide dans le malheur pas mal. » Tu sais, on disait ça souvent, c'est toutes des expressions qui expriment un peu l'idée qu'on avait de l'argent. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il est en train de leur dire à ce niveau-là? Fait que le premier, la première partie, on va s'adresser aux gens qui ont l'amour de l'argent. Et on va voir qu'est-ce qu'il en dit. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendements privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc ça, c'est la colonne 1, négatif, qui parle de... qui rattache la fausse doctrine, qui rattache les vains discours, qui rattache ça à, finalement, à l'argent. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Et quand on voit une église, si vous allez lire les églises de l'Apocalypse, et cette église qu'on a vue ensemble, vous allez voir que ça rejoint ça un petit peu. Ça rejoint cette idée-là qu'il y a des églises qui ont abandonné la foi à cause d'un appât de gain, peu importe le gain qu'on parlerait pour le moment. Donc, il dit, quelques-uns enseignent de fausses doctrines et ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de la doctrine qui est selon la piété. Donc, il dit, il y en a qui enseignent des doctrines fausses. Doctrine fausse ne veut pas dire nouvelle doctrine tout le temps, mais une doctrine que ça peut avoir été changée. Qui peuvent enseigner que Dieu existe, mais ce n'est peut-être pas un Dieu trinitaire, mettons, exemple. Donc, il va dire que Dieu existe, il va parler de Jésus. Je me suis assis souvent avec des témoins de Jéhovah, moi et Gaëtan, on s'est assis avec des mormons. Il y avait une haute estime de Jésus. Il parlait de Jésus, puis Jésus était mort pour les sauver, puis Jésus avait la vie éternelle, puis Jésus était ci, puis Jésus était ça. Jusqu'à temps qu'on pose la question, mais Jésus est-tu Dieu pour toi? Il n'est pas le vrai Dieu. Donc, ils ont changé. C'est une fausse doctrine, on pourrait dire. Et il enseigne, mais regardez ce qu'il fait. Il enseigne une fausse doctrine. Voyez-vous le vide, là? On est pas capable de le faire. Pourquoi il ne s'attache pas aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ et la doctrine? Parce qu'ils ne se sont pas attachés aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est sur la piété. Ils l'ont remplacé par quelque chose d'autre. Sont allés vers des fausses doctrines. Parce que sans ça, il aurait fait un vide. Mais quand on avait vu la veuve qui s'allait dans la volupté, elle s'était éloignée du Seigneur Jésus-Christ. Et est allée dans la volupté, dans les plaisirs de la vie. C'est toujours la même chose. Je ne peux pas faire de vide. Donc, si l'Église a abandonné le chemin de la vérité, c'est parce qu'elle a adhéré à d'autres choses. Pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Donc, ici, il dit, il y a quelqu'un qui enseigne des fausses doctrines et qui ne se sont pas attachés à deux choses. C'est deux choses la même. Celui-là, c'est différent. Ils ne se sont pas attachés aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, donc à la prédication de Jésus-Christ. Est-ce qu'il inclut dedans tout le Nouveau Testament? Peut-être. Peut-être que non. Et à la doctrine selon la piété. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à essayer de définir. Tu as d'autres traductions? Ils ne se sont pas attachés aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, donc à ce que Jésus-Christ avait enseigné, et à la doctrine qui est selon la piété. Avez-vous des traductions différentes qui pourraient nous éclairer? Ni l'enseignement qui va avec notre foi. OK? Donc, ils ont abandonné les saintes paroles et l'enseignement qui va avec notre foi. D'autres choses? Conforme. Il y en a qui se sont pas conformés ou la doctrine n'est pas conforme à la piété. Donc, je crois que c'est... J'aurais tendance à penser qu'il parle de ce que Jésus-Christ avait dit et l'enseignement des apôtres après ça, qui ont expliqué ce que Seigneur Jésus-Christ voulait dire. Tu sais, quand Jésus-Christ parle qu'il faut être juste, que notre justice doit surpasser celle des pharisiens, l'apôtre Paul, il prend des chapitres pour nous expliquer ça veut dire quoi et comment ça marche. Donc, il dit, ils ne se sont pas attachés à ce que Jésus a dit, puis ils ne s'attachent pas non plus à l'enseignement qui est conforme à la piété, qui est conforme à l'exercice de la foi. Donc, soit qu'ils ont changé, qu'ils ont abandonné la doctrine, ou ils enseignent des choses qui ne reflètent pas la vérité, qui ne reflètent pas l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, vous allez voir que les faux docteurs dans le Nouveau Testament sont jamais complètement tordus en partant, mais ils changent certaines vérités, changent certaines approches, changent certaines choses pour... vous avez déjà remarqué avec les témoins de Jéhovah, quand ils rentrent chez vous, ça ne m'est pas arrivé. Peut-être que ça vous est arrivé à vous autres, mais ça n'est jamais arrivé quand je les ai invités à rentrer. Jamais ils me parlent de Jésus-Christ en premier. Jamais. Ils vont faire le tour du pays avant de me parler de Jésus-Christ. Ils vont parler du sang, ils vont parler de la guerre, ils vont parler de ci, ils vont parler de ça. Mais ils ne parlent pas de Jésus-Christ parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est pesant, qui est important. Mais si tu leur demandes, même, j'ai déjà vu, essayer d'éviter de répondre à ma question parce qu'ils ne veulent pas te le dire directement. Bon, bonjour, là, mon nom c'est Joe et je viens te dire que la Trinité n'existe pas. Ouf, ça va commencer un peu à brut, un peu trop direct. Puis on a fait la même chose avec l'évangélisation. Quand on évangélisait, on n'arrivait pas à la porte en disant, « Je viens de dire que la Sainte Vierge ne peut pas répondre à tes prières. Peut-être qu'on n'aurait pas rentré dans la maison. » OK, on essayait de commencer un peu plus avec souplesse. Donc, c'est des gens qui le font, qui ne se sont pas attachés à l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, on pourrait comprendre facilement qu'ils se sont éloignés, mais ils se sont éloignés aussi dans la mise en pratique. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, la doctrine va être suivie par la mise en pratique. Si je crois une fausseté, je vais le manifester dans ma pratique. Si je crois une vérité, je vais l'exprimer dans ma pratique aussi. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et c'est pour ça que quand ça ne va plus ensemble, c'est là que l'apôtre Paul dit, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Vous dites des choses, puis vous ne faites pas des choses. Donc, vous dites des choses, vous faites le contraire. Donc, ça ne marche pas. Donc, vous êtes un déshonneur pour l'Évangile. Vous dites des choses et vous ne le faites pas. Donc, automatiquement, vous êtes un sujet de déshonneur. Et quand l'Église va dans cette direction-là, automatiquement, l'Église s'éloigne. Mais j'aimerais bien que vous compreniez, parce que la tendance que j'ai vue avec les années, et même moi, quand j'étais plus jeune croyant, on a tendance à penser qu'il s'adresse ici aux faux docteurs, simplement. Ôtez-vous ça dans la tête. Les faux docteurs, ils ont un auditoire. Parce que tu ne peux pas être un faux docteur si tu n'as pas d'auditoire. J'enseigne des fausses doctrines. À qui tu enseignes ça? À mes cochons. Ça ne marchera pas. J'enseigne ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à écouter ce que tu dis. Puis on va le voir dans la deuxième épître, si on n'a pas vu dans la première déjà. Il dit, il va venir un temps où les hommes vont se mettre des docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent bien entendre. Et les deux qui vont de pair. C'est pas juste qu'il y a un faux docteur qui se lève et qui influence tout le monde. Il y a des gens qui veulent entendre des choses puis ils vont se mettre un docteur là qui va leur dire ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est jamais seulement du haut de la chair que ça marche. Ça marche de partout. Il y a des églises. Joël, je ne me souviens jamais son nom, un bonhomme aux États-Unis, là, je ne sais pas si j'avais déjà écouté ses enseignements le dimanche. Et il est dans un auditoire, là, il peut assister quasiment 40 000 personnes. C'est les Jeux Olympiques, comment est-ce qu'il appelle ça, le stade. Le parc olympique, c'est ça? Le stade olympique. Il s'assit 50 000 personnes là-dedans. Joël Osteen. Oui! Tu l'écoutes souvent, hein? Tu t'en souviens? OK? OK, je comprends, ça comprend des choses. Mais lui, là, il remplit un auditoire de 40 000 personnes. C'est des gens qui veulent entendre ce qu'il dit. Puis lui enseigne la prospérité et la santé. Et c'est ça que les gens veulent entendre. Que Dieu va leur donner la prospérité et la santé. Prosperity gospel, l'évangile de prospérité. Donc, c'est pas juste un gars qui pense qu'il va induire tout le monde en erreur. C'est que Joel Osteen, Osteen, comme les vaches. O-S-T-E-E-N. OK. Mais lui, là, lui, c'est pas juste lui qui a inventé une doctrine. Ce qu'il a vu, c'est que c'est ça que les gens voulaient entendre. Aussi. Donc, c'est pas juste qu'un qui a une erreur, puis les autres sont toutes des victimes. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est que si toi, c'est pas ça que tu recherches, la prospérité et la santé, mais tu l'écouteras pas, tu vas vouloir autre chose. Tu vas vouloir t'en aller ailleurs. T'as pas l'air d'accord, Charles. Vas-y. Ben, c'est pas que je suis pas d'accord, mais la personne qui enseigne ça, tu dis, c'est pas juste une personne qui a vrai. C'est sûr que des gens, partout, les non convertis, ils recherchent ça, on le sait. Fait que quand ils veulent chercher quelque chose et qu'ils trouvent ça, ben c'est sûr que ça fait leur affaire. Mmh. Si on n'a pas été amené à entendre la vérité, ben c'est sûr qu'ils vont continuer à chercher ça. Puis ce gars-là, là, si lui il connaît la vérité et qu'il va là-dedans, ben c'est un imposteur. Là. Oui. C'est vraiment. Mais la question, c'est qu'on ne sait pas si lui est aussi une victime d'un autre imposteur. Fait qu'on ne le sait pas. Là, on peut bien dire ça, mais on ne sait pas. Mais la question est, en politique, là, les sujets que les politiciens parlent, c'est les sujets de la société. Oui, mais qu'ils veulent entendre. C'est nous autres qui leur dictent ce qu'ils vont parler. Oui. Si la société s'intéresse au climat, ils vont parler du climat. Oui. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils savent que... Ils veulent entendre parler de tout ça. Si j'en parle pas, ils vont pas me mettre en place. Mais eux autres, justement, ils ont un but très personnel. Ils ont un but la voix du gain. C'est pour ça que je dis ça. Le pasteur fait ça. Mais on va voir que la voix du gain, qui est quelqu'un qui enseigne les fausses doctrines, va se retrouver avec des gens qui ont un appât du gain aussi. Ça va s'étendre là. Moi, là, si tu as bien beau parler de traiteur, là, le mieux que tu pourras, je n'irai pas là. J'ai pas besoin de traiteur, j'en veux pas. Mais mon gars pourrait écouter ça, lui, parce que lui, parce que il s'en fait. Mais tu connais d'autres choses. Hein? Mais si on parle de la vérité, si, parce que tu la connais, la vérité, tu ne vas pas. Donc, ça veut dire, qu'à un moment donné, si tu abandonnes la foi, c'est parce que tu l'as entendu, tu l'as proclamé pendant un temps. C'est ça qu'on parle ici. Là. Donc, il y a quelqu'un qui a entendu la vérité, mais qui s'est détourné. Puis, ce qu'il semble nous dire dans notre texte, c'est par rapport du gain. OK? Donc, il dit que celui qui fait ça, verset 4, il est enflé d'orgueil. On comprend. Là, il se détourne de la vérité vers autre chose. Donc, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, ses disputes de mots. D'où naissent les envies, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Les inductions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Voyez-vous, c'est ça, c'est l'origine de tout le problème. La source de gain. Fais pas ça. Non. C'est la mort, même d'ailleurs, dans le paradis, ils ont voulu avoir la connaissance. Voilà. Tu vas aller vers la foi pour avoir de quoi. Ça peut être de l'argent. Mais ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être la gloire, ça peut être la connaissance, ça peut être la reconnaissance. C'est comme il y en a là, avec Joel Osteen, que je les vois sur ces là. Ils sont arrivés avec le Cadillac, c'est pas toujours un appât du gain. Des fois, c'est la santé qu'ils veulent, qu'ils n'ont pas. Là, ils voudraient l'avoir. Okay? D'autres, c'est la gloire. D'autres, c'est. On a chacun notre. La question que je me suis posée, à moi personnellement, c'est comme ça qu'on étudie les Écritures, parce qu'on se pose la question à nous premièrement. Pourquoi je suis venu à Dieu? Pourquoi j'ai répondu à l'Évangile? C'était, j'avais-tu une source de gain? J'avais-tu quelque chose que je voulais? Ou si je me suis approché de Dieu pour offrir? C'est une autre histoire. C'est deux choses bien différentes. Et sans que des fois qu'on veuille bien l'admettre, on est venu avec l'idée qu'on voulait de quoi? On voulait de quoi? Peu importe si on était spirituel, religieux, moral. Parce que moi, j'ai vu des jeunes, je ne les nommerai pas, je ne les connaissais peut-être pas, ils sont venus à l'Évangile pour avoir une plus grande moralité, source de gain. Ils voulaient être des gens moraux, qui croyaient que l'Évangile était pour les aider à devenir des gens moraux. Mais vous, c'est, ça, on pourrait dire, c'est légitime, c'est pas mal mieux que l'argent. Les deux sont condamnables, les deux nous amènent à la perdition. Donc, il faut faire attention que pourquoi je suis venu à ça. Ici, il parle de source de gain, mais c'est probablement de l'argent qu'il parle dans notre texte ici. Mais quand on mène même, la plupart des chrétiens ont tendance à dire, « Ah, ça, c'est pas mon cas. Mais on est tous venus avec une idée de source de gain. C'est pour ça qu'on avait nos listes de prières bien plus longues que nos listes d'offrandes à Dieu, de ce qu'on veut donner à Dieu. On voulait de quoi? Moi, j'ai vu ma mère prier pour nous, les enfants, pendant des années. Elle avait des petites images, puis elle priait pour ses enfants. Donc, elle avait une source de gain aussi. Elle voulait de quoi? Elle voulait que ses enfants changent. Elle voulait que ses enfants soient des bonnes personnes. Elle voulait que ses enfants y aillent au ciel. Elle voulait que... C'est ça. Elle avait une source de gain. Mais ce n'était pas de l'argent comme tel. Et ça, ça l'amène aussi à toutes sortes de choses qui vont devenir pernicieuses. Fait que là, tu veux tellement ça que tu es prêt à faire des pèlerinages, faire des ci, faire des ça, faire des ci, faire des ça, pour avoir ce que tu veux. Comme on avait déjà entendu, on suit Dieu ou on suit sa main? Oui, c'est une... Souvent, ben, on a l'exemple avec Jésus. Les gens ont suivi par dizaines de milliers. Finalement, il y a juste peut-être 1% qui s'est converti finalement à la fin, là. Donc, pendant qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des résurrections, qu'il faisait du pain, qu'il se donnait des poissons, tout le monde suivait. Mais quand, mettons, là, tu pries pour tes enfants, OK, ou peu importe, là ça, il va découler tout ça, là, envie, dispute, blasphème, propos malveillants. Tu sais, automatiquement, quand tu as quelque chose que tu veux, tout ça vient avec. Parce que tu ne fonctionnes plus pour la raison que Dieu a mis en place l'Église. De le servir. D'adorer le servir. Ah, mais quand Jésus vient, il promet pareil la joie, le bonheur, la calme, l'utile. Oui, à travers ça. Mais toi, on va le voir, là. On y arrive. Hein. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain. Il ne dit pas que ce n'est pas une source de gain, mais avec quoi? Avec le contentement. L'Évangile emmène quelque chose dans ta vie. L'Évangile va produire la joie, la paix, le bonheur. Elle va le produire. Mais avec le contentement, tu te suffis de ça. C'est que tu ne veux pas ça et d'autres choses en plus. OK? Donc, si c'est ça que je recherche, la paix, la joie en Dieu, le bonheur, tout ça, bien, je l'ai eu. Je suis content, je suis satisfait. Mais là, ça ne satisfait pas. Je voudrais avoir autre chose. Je voudrais avoir autre chose en plus. Je ne suis plus content des bénéfices reliés directement à l'Évangile. C'est pas suffisant. On veut autre chose en plus. Et moi, je ne sais pas si je l'avais déjà fait, mais je l'ai déjà dit, puis je l'ai déjà fait pour moi personnellement. Si vous écrivez vos prières ou enregistrez vos prières, vous les écoutez par après. Vous allez voir comment vous en demandez des choses. On voulait des choses. Et des fois, c'était bien, entre guillemets, mais pas pour les bonnes raisons non plus. Moi, j'ai prié pour le salut de mes enfants juste parce que je ne voulais pas qu'ils allaient en enfer. Je n'étais pas soucieux tellement de la gloire de Dieu là-dedans. Non. Je voulais que mes enfants aillent au ciel. Je ne voulais pas qu'ils allaient en enfer. Puis, c'est-tu la bonne raison? C'est-tu suffisant de dire, si tu n'évites pas l'enfer, mais là, je remets en question la bonté de Dieu. Je remets en question la prière même. C'est combien de parents chrétiens qui ont prié pour la foi de leurs enfants, puis les enfants ne vont jamais se convertir? Pensez-vous que ça n'a aucun impact sur votre vie? Vous vous en faites à croire. Ça a un impact négatif sur nous. Parce que Dieu ne répond pas. J'ai des choses que je veux, que ce soit morale ou spirituelle, ou ce que tu voudras. Les choses que je veux, puis Dieu ne répond pas. Et ça a un impact sur nos vies chrétiennes. C'est pour ça que nos prières devraient refléter les babines. Hein, les babines. Nos prières devraient refléter Dieu, la personne de Dieu, la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas toujours ça que ça fait. Et il faut faire attention de bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, il dit, pourquoi est-ce que la piété est une source il dit bien même une grande source de gain. Ben oui, l'Évangile, c'est ce qui nous apporte le plus d'important. Elle nous emmène l'éternité, l'immortalité, elle nous emmène la vie, elle nous emmène tout ça. Mais c'est pas tout à fait ça qu'on voulait tant que ça. On voulait autre chose. Et notre impact, l'impact de notre vie catholique qu'on a eu dans le passé, là. T'sais, on allumait nos lampions, c'était pas pour rien, là. T'sais, on faisait nos chemins de croix, c'était pas pour rien, là. Ceux qui sont plus jeunes, vous connaissez peut-être moins ça. Les novennes. Moi, j'ai vu ma mère faire des rosaires, puis des chapelets, puis des pèlerinages, puis tout ça dans le but d'avoir quelque chose. Tu vas loin quand tu veux des choses. Et tu peux faire toutes sortes de choses. Puis elle se privait, là. Elle se privait, puis elle souffrait jusqu'à certain point physiquement pour avoir certaines choses. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle mettait son chapelet sur la corde à linge. Puis elle m'a dit ça dernièrement, là. Moi, je suis à bouche bée, OK? Ben oui, pour pas qu'il pleuve. Puis là, c'est pas ça, c'est que ça marche pas. Mais tu savais que ça marchait. Oui, ben t'as l'air si intense, mais je pensais pas que ça se faisait encore. C'est comme la météo, une fois sur deux, ça marche. Mais c'est de la superstition, Mais tu crois ça? Mais c'est, les religions, c'est plein de superstitions. Les religions, c'est plein de ça, de superstitions. Et revenons dans notre petit monde à nous. Il voit ça, il dit pourquoi est-ce que ça devrait nous satisfaire que la vérité est une. Que la piété est une grande source de gain. Pourquoi qu'on devrait se satisfaire de ça? Il dit au verset 7, « Parce qu'on n'amènera rien, notre mort. » Facile, hein? Il dit, « On devrait se contenter de ça, parce qu'on ne vous amènerait rien. » Donc, tout ce que vous avez demandé, là, qui va rester ici, vous dites, « Ça sert à rien. » Il dit, « C'est pour ça que je dis que si vous n'êtes pas contenté de ce que la piété apporte, le restant. » Mais qu'on veut qu'on ne veuille pas, on est obligé de se l'avouer. T'as dit, quoi. Pas facile. T'as dit que ce qui est ici, on y tient en bébête. Hein, mm-hmm. Et ça nous emmène à nous éloigner de la vérité. Sans qu'on s'en rende compte. Mm-hmm. Tranquillement, on s'éloigne de. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bon, au Québec, on a besoin d'une cabane aussi pour se cacher l'hiver. C'est un dicton, c'est un proverbe, ça. C'est quand tu as ça, ça veut dire que tu as le nécessaire pour vivre. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc, dépendamment du pays, de la culture que tu as vécu, tu as le nécessaire. Et là, il dit, le verset 9 qui va devenir important, « Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc ceux qui veulent s'enrichir de peu importe de quoi, d'un gain quelconque, vont tomber dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. » Tu sais, ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Chantal, là, tes affaires en haut, là. Tu sais, tout ce que tu disais, mais ça va faire ça automatiquement. Mais ça fait ça ici, le verset 9. Là. Celui qui veut s'enrichir, qui voit la foi ou l'Évangile comme une source de gain, va aller à la perdition. Tu sais, c'est ce que le texte dit. J'ai bien beau vouloir dire autre chose, hein, il va aller à la perdition. Il dit, ça les attire dans toutes sortes de tentations, toutes sortes de pièges, toutes sortes de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous vous souvenez, on a vu la veuve, la jeune veuve, volupté, des désirs, des charnels, si finalement elle se ramasse qu'elle est à la suite de Satan. Elle a abandonné la foi. Elle était vers la perdition. Et on est conscient que depuis 75 ans au Québec, l'Évangile est arrivé au Québec. Si tous les gens qui avaient fait profession de foi et qui ont été baptisés dans une église seraient là, il faudra bâtir des bâtiments. Il faudra bâtir des bâtiments. Ils sont partis. Pour X raisons. X raisons. Mais la plupart du temps, si vous allez leur poser la question, je l'ai fait pendant une période de temps, j'allais voir les gens, mais pourquoi? Pourquoi t'as quitté l'église? Tu n'es pas obligé de me dire, mais j'aimerais savoir pourquoi. C'est toujours une perte. Ils n'ont pas eu le gain qu'ils voulaient avoir. C'est toujours ça dans le fin fond de l'histoire. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avoir de l'Évangile. L'Évangile ne leur a pas donné ce qu'ils s'attendaient que ça donnerait. Et ils sont partis le chercher dans le monde. Sauf que le monde, il ne l'offrira pas plus que ce qu'il veut. Mais ils le croient. C'est une illusion. Mais on le croit tous en grande partie à cause de notre chair. C'est pour ça qu'on y va dedans. Qu'on essaye, parce que notre chair croit que le bonheur vient des choses qu'on possède. Des choses qu'on a. Le malheur vient des choses qu'on voudrait avoir qu'on n'a pas. On est malheureux de ne pas les avoir. Donc, ça fait partie de notre maladie de la folie du péché. C'est pour ça qu'on en désire tant. La Bible nous dit que le cœur de l'être humain n'est jamais satisfait. Peu importe comment tu en donnes, il n'est jamais satisfait. Il va toujours en vouloir plus. Hein, c'est une vérité. Hein. C'est une vérité. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. La Bible dit que c'est vrai. Hein, donc, il dit, car, au verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Hop! De beaucoup de maux, pas tous les maux. Beaucoup. Plusieurs. Mais il dit quoi? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais où l'argent peut être quelque chose qui va nous détourner de Dieu. C'est ce que Paul dit ici. Plusieurs qui aiment, qui ont l'amour de l'argent, lui il décrit ça comme la racine de tous les maux. C'est-tu vrai? Je me suis posé la question, c'est-tu vrai? Je le vois-tu de même? Je le comprends-tu de même dans ma vie de tous les jours? Ou bien non, si finalement, ben, de certains mots, là, mais pas tous les mots, c'est-tu exagéré? C'est-tu dit d'une façon un peu hyperbole, ce qu'on appelle, qui décrit quelque chose? Mais il y en a qui, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes loin des tourments. Donc, l'Église, à travers l'histoire, quand vous la regardez, regardez les grandes églises, les grands mouvements. Ils ont accumulé des biens matériels épouvantables. Ils se sont détournés de la foi en même temps. Hein. Ils l'ont fait. Ils disaient qu'une des plus grosses... L'Église, quand on prend l'Église catholique, c'est une des entreprises, on pourrait dire, quasiment les plus riches au monde. Ça fait longtemps qu'ils sont détournés de la foi. Là. Ça a commencé par un, puis par deux, puis par trois, puis ça a parti. Puis c'est un peu de même. Puis à chaque fois, vous regardez dans le Nouveau Testament que vous voyez les faux prophètes, les faux docteurs, il y a toujours un lien avec l'argent. Toujours. Toujours. Et les faux prophètes savent que c'est le cas de tous les êtres humains. Donc, ils jouent sur la corde sensible. Ils essaient de montrer que l'Évangile, finalement, est une source de gain. C'est ça qu'ils font. Parce qu'ils jouent sur une corde qui savent que tout le monde a. Et c'est pour ça que... Ce n'est pas que... C'est pas, je ne suis pas en train de dire que Dieu... vous savez tous, Dieu n'accumule pas de bien dans le ciel. Il n'accumule pas de bien dans le ciel. Puis il dit à David, les vaches que tu m'amènes, là, oublie pas, c'est à moi. Les veaux que tu m'amènes, là, oublie pas, ils m'appartiennent à moi, là, avant. Là, tu m'amènes tu m'amènes tout ce qui m'appartient. J'en mange pas, moi, de vache. J'en mange pas de veau. Il dit, ce que je veux, c'est ton cœur. Il y a un obstacle entre moi et ton cœur, c'est tes biens. Puis il sait que c'est là. Lui, il sait. Nous, on a de la misère à le saisir, puis à le comprendre, puis à le vivre. Lui, il sait que le bonheur que nous recherchons se trouve seulement qu'en lui. Puis le monde, le péché, le monde, parce que le monde, des fois, c'est toutes les autres pas nous autres, le péché m'a amené à croire que c'est pas vrai. Que les biens matériels, les choses de la terre, la santé, ou n'importe quoi d'autre, c'est ça qui fait le vrai bonheur. Le rêve américain, comme on dit souvent, là, le rêve américain. Mais c'est... Puis dans le fin fond, hein, si vous pensez que vous n'avez pas à vous battre contre ça, mm-hmm. vous êtes dans le champ de patates. Mm-hmm. Vous ne vous regardez pas comme fou dans le miroir. Tout le monde lutte avec ça. Tout le monde. Tous les chrétiens que j'ai connus jusqu'à date luttent avec ça. On lutte avec le fait de donner à Dieu la... de lui donner cette unicité qu'il il est la source de notre bonheur. Seulement lui est la source de notre bonheur. Les autres choses... C'est pas, il ne dit pas qu'on ne doit pas en avoir. Mais le danger, c'est qu'on va finir par faire de ça notre bonheur, et non pas l'autre. Et vous regarderez Israël, dans l'Ancien Testament, est un exemple vivant de ça. Chaque fois que Dieu leur donne des biens, ils s'éloignent de Dieu. À chaque fois. À chaque fois qu'ils sont dans la misère, ils retournent à Dieu. C'est à chaque fois, c'est le même tout le temps. On regarde ça, on lit ça, puis c'est pas pour nous autres, c'est pour les autres. C'est, nous autres, ça ne nous arrive pas à nous autres, ça. Mais c'est, pourtant, c'est une réalité, je crois. C'est une réalité. Ben, les enfants et les parents, la preuve, ça, c'est la même chose aussi. Ils vont faire un groupe de chemin, peu importe. Tant que ça va bien, ils sont pas dans le de tes jupes, quand ça va pas bien, ils reviennent dans ta barouette, là, d'un coup, t'es beau, t'es fin, puis on reste un petit bout, jusqu'à temps qu'on prenne un peu d'assurance, puis qu'on parte, là. C'est la tendance de l'être du pécheur. Et je crois que Dieu nous dit ici à travers Paul et Timothée, si vous voulez garder l'Église dans la vérité, si vous voulez la ramener, la garder dans la vérité, regardez comment vous gérez la question des gains. La question des gains dans votre vie. Regardez ça. Parce que sans ça, ça va vous éloigner, ça va vous égarer loin de la foi. Et vous allez chercher des coupables quand le coupable est à l'intérieur de vous. Donc, on va terminer dans un mot de prière, puis on va prendre le repas du Seigneur. Notre bon Père du ciel, je sais que c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui vient nous chercher. On te demande que ton Esprit Saint puisse nous faire la grâce d'éclairer chacun d'entre nous, de nous montrer à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'il y en est dans nos propres vies. Est-ce qu'on voit Dieu comme une source de gain? Il y a un gain dans l'Évangile. Mais le gain, c'est Dieu. On trouve Dieu. Et Dieu devient la source du bonheur, de la joie, de la paix. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Aide-nous, Seigneur Dieu, à prendre du temps cette semaine, à méditer là-dessus, à s'arrêter, à regarder qu'est-ce qu'il y en est de moi. Qu'est-ce qu'il y en est de moi. Et Seigneur, comme on a vu toutes les pites, redresse-nous. Redresse chacun de nous personnellement et en tant que groupe. Redresse-nous. Parce que notre désir, c'est que l'Église soit la colonne et l'appui de la vérité et que tu sois glorifié. Dans ton peuple, par ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci François, encore une fois. Et j'aimerais ça, si vous voulez, on pourrait tourner dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 9. fait, c'est pratiquement tout le chapitre 3 complet, mais on va lire à partir du verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît pas. Il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand j'ai préparé ça, je disais, la nouvelle alliance qu'on vient de lire, c'est l'alliance dont nous faisons partie. Nous sommes sous cette alliance parce que nous croyons au sacrifice de Jésus à la croix. Dans Jérémie, on peut lire « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça, c'est Dieu qui dit ça. Et nous, à chaque semaine, quand on prend le repas du Seigneur, à chaque semaine, on dit ce que Jésus a dit. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Oui, il nous a pardonné, mais il a aussi fait de nous des ministres. D'autres versions disent des serviteurs de ce grand Dieu dans l'alliance. Quelqu'un a dit, le Nouveau Testament met l'accent sur le fait que le pardon des péchés qui aurait été impossible sans la Nouvelle Alliance est le plus grand bienfait procuré par la mort de Jésus. Sans Jésus, sans sa mort à la croix, rien de tout ça. L'Alliance n'est pas établie et rien de tout ça. Là, on va faire un petit peu changement les autres semaines. Je vais demander à François qu'il fasse jouer la pièce de musique. Après ça, moi et Céline, on va passer les éléments, on va prendre le repas et on finira par le prix. Thank you. En prenant ce repas, rappelons-nous un peu ce que disait ce chant. Il a souffert, son corps a été meurtri, il a versé son sang, il a été abandonné de tous, y compris son père. Mais il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. Et nous, en prenant ce repas, on veut se rappeler tout ce qu'il a fait. Puis un peu comme disait le chant, reçoit en retour notre amour. Donc, il a pris le pain, il le sépara, le déchira et le partagea avec ses disciples en disant, « Ceci est mon corps, meurtri, livré pour vous. Mangeons. » Ensuite, il prit la coupe, la partagea aussi avec ses disciples, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvons. » S'il y en a qui aimeraient s'adresser au Seigneur, on est libre de le faire. Seigneur, dans le texte que Gaétan a lu, tu as dit que ce que tu faisais à la croix, ce que tu faisais en nous, le pardon que tu nous as accordé, c'est qu'on devienne des miroirs de toi. C'est vraiment important. Tu nous parles de notre salut, mais tu tournes ça. Je voulais que tu deveniez des miroirs pour moi, de ma bonté, de ma grâce, de ma justice, de ma sainteté. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Dieu veut se montrer à travers nous, à travers son Église. Veut que quand on se regarde les uns les autres, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Et c'est tellement grand que ça rend la croix plus belle, ça rend la croix plus grande, plus importante que notre salut personnel. Puisses-tu, Seigneur Dieu, être glorifié parce que tu as accepté la souffrance, tu as accepté la mort, afin que le monde te voie. Et donne-nous de nous satisfaire de ce gain qu'on est devenu des reflets de Dieu, qu'on est devenu des reflets du Christ. C'est le plus grand gain qu'on ne peut pas avoir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Dieu, tu t'adresses à Timothée. Paul écrit à Timothée, puis il donne plein de choses à dire à l'Église. Puis quand j'entends toutes ces choses-là, je me dis, ah oui, là, ça va, là-dessus, non, il faut que je fasse attention. Puis là, je me promène d'un positif au négatif, mais ce qui est écrit, c'est autant pour Timothée, puis à tous. Puis le repas du Seigneur me fait me ramener à oublier ces manquements-là que j'ai et m'en remettre à toi, parce que c'est sur toi que tout repose, puis que si je reste attachée à ça, je reste attachée au centre de ce qu'est la foi. Puis ça me ramène à la valeur du repas du Seigneur qui autrefois, j'en étais insensible à ce côté-là, puis là, ça fait du bien à l'âme, puis ça t'élève dans nos cœurs de savoir que c'est toi le centre de tout ça. Mmh. Amen, Dieu. Ouais. Oui, Seigneur, comme notre sœur vient de le dire, c'est toi qui es le centre, Seigneur. Que dans nos vies de tous les jours, on se tourne vers toi. C'est toi qui possèdes la vérité, tu es la vérité. Merci, Seigneur, de te faire connaître nous. Amen.